Deux piqûres de guêpe qui pointent sous le débardeur. Les feintes ne trompent personne. Push-up, coton, wonder bra, le flop. Le reste est pas mal. Qu'importe son rêve, une poitrine plus forte, adieu l'androgyne. Bimbo, des seins, des nichons, des lolos. Docteur aux dents blanches, bronzé carnassier. Détaille sa peau blanche, de la tête aux pieds. Il faut pas qu'elle flanche dans les mains du sorcier. Docteur plastique pour beauté en toc. Fais un audit de son corps en kit. Docteur Plastoc pour beauté plastique. Sculpte une icône en silicone. Un gros marqueur noir qui trace des stries sur son corps. De glace sur l'œuvre de Dieu. Dessin de la part du diable, c'est sain. L'examen anatomique débouche sur le diagnostic. Prothèse de 300 cc en silicone texturé. Va-t-elle écouter le grand Manitou? Faut pas reculer, faut vous décider. Montrez la beauté qui sommeille en vous. Docteur plastique pour beauté en toc. Fais un audit de son corps en kit. Docteur Plastoc pour beauté plastique. Sculpte une icône en silicone. Docteur plastique pour beauté en toc. Fais un audit de son corps en kit. Docteur Plastoc pour beauté plastique. Sculpte une icône en silicone. La salle de réa, retour dans la bouche un drôle de goût, elle a mal un peu. Partout des bleus, c'est pas très glamour. Mais elle a bien fait, son buste est parfait. Maintenant elle met de si gros bonnets. Dommage, ça s'affaisse du côté des fesses. Docteur plastique pour beauté en toc. Fais un audit de son corps en kit. Docteur Plastoc pour beauté plastique. Sculpte une icône.